et sur le sable tu m'écrivais ces mots que le vent et la mer ont emportés. Donne-moi tes nuits, donne-moi jusqu'à ta vie, donne-moi ton cœur, tu n'auras plus jamais peur, je ferai de toi une princesse aux cheveux d'or, adorée d'un roi qui se brûlera au feu de ton corps. Donne-moi. Je ne suis plus la princesse aux cheveux d'or, et mon roi ne se brûle plus au feu de mon corps. Mon histoire n'était qu'une fable, quelques mots, un été écrit sur le sable. Jusqu'à